Who's for breakfast? An insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace to the Izzles, back to Wizard. How do you console my mom? Or give her light support? Telling her son's on life support. And just imagine how my girl feel. On the plane, scared as hell that a guy look like Emmett Till. She was with me before the deal. She been trying to be mine. She a Delta, so she been throwing that dynasty sign. No use me trying to be lying. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used two lifelines in the same hospital with Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican, man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like 6 weeks. You know, I had reconstructive surgery on my jaw. I looked in the mirror, half of my jaw was in the back of my mouth, man. I couldn't believe it. But I'm still here for y'all right now, man. This is what I got to say right here, dog. Yeah. Turn me up, yeah. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. But he wasn't talking about coke and birds. It was more like spoken word. Except he's really putting it down. And he explained the story about how blacks came from glory and what we need to do in a game. Good dude, bad night, right place, wrong time. In the blink of an eye, his whole life changed. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, driver 212. I got a lawyer for the case to keep us in my safe. Safe, my dogs couldn't tell if I looked like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised. It's been an accident like Geico. They thought I was burned up like Pepsi did Michael. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me, Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys R Us where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid shit that I did. But I'm a champion, so I turn tragedy to triumph. Make music that's fire, spit my soul through the wire. You know what I'm saying? When the doctor told me I was gonna have to have a plate in my chin, I said, dog, don't you realize I'll never make it on a plane now? It's bad enough I got all this jewelry on. She can't be serious, man. Votre attention s'il vous plaît. L'émission Girondin Analyse va reprendre. Veuillez attacher votre ceinture et augmenter le volume de votre radio. Embarquement immédiat pour de nouveaux horizons. La deuxième partie de Girondin Analyse, l'émission 100% supporters, c'est tout de suite sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur girondinanalyse.com. Allez, on est de retour dans Girondin Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble jusqu'à 23h. On va. Alors, ça s'est un petit peu calmé dans le match fou, complètement fou du soir. AC Ajaccio en Ligue 2 qui reçoit le RC Lens 3ème. Match important pour les Lensois qui mènent toujours 5-3. On joue la 65ème minute. Donc, ça a l'air de s'être un petit peu. Tu me diras, ils ont tout donné en première mi-temps, les pauvres. Ça s'est un petit peu calmé. T'as une équipe qui marque et là ça va repartir. Et Moussa Mahazou n'a pas marqué. Non. Je cherche même s'il y a des mecs un petit peu. Tiens, Habibou, rappelez-vous. Il y a le frère de Maurice Belay qui a mis un doublé. Ah bah il s'appelle pas Maurice Belay alors. Mais non, mais il s'appelle T.E. je sais plus quoi. Il s'appelle T.E. Piston. Eh oui, apparemment. Efistion. Parce qu'il a mis un doublé pour Efistion. Mais pourquoi il s'appelle pas Maurice Bollet alors si c'est son frère? Parce que justement, il veut s'émanciper. D'accord. Non, oui, je sais pas si c'est pour cette raison, mais c'est. Et il a quitté Girondins il y a pas longtemps. Ah, il était au Girondins? Mais je crois qu'il était au Girondins et. Où il s'est entraîné avec les Girondins pendant un moment et puis après. D'accord. Ouais. Ok. Bon, ouais. Très bien. Avant de passer au débat sur Bordeaux, peut-il aller chercher la quatrième place? Avant de parler du sondage qu'on a mis sur Twitter sur la fin de saison des Girondins et avant de s'attaquer au débat des internautes et avant aussi de faire le Sekiki si on a le temps, on va faire, messieurs, un traditionnel petit. Oui, je vais couper cette musique de sauvage. Un traditionnel petit. Récapitulatif, Ligue 1. Il faut que je meuble le temps que l'ordinateur se lance. Voilà, il s'est lancé. C'est parti, musique qui fait peur. Musique qui fait peur. On va parler des adversaires, messieurs, directs des Girondins de Bordeaux, à savoir Marseille, Saint-Étienne. Et on va parler aussi un peu de Lyon, qui pourrait devenir un adversaire direct d'ici quelques semaines, suivant comment ça tourne. Que s'est-il passé vendredi en direct dans l'émission? L'OGC Nice est allé gagner à Lille 2-1, doublé de Balotelli. Pourtant Lille avait ouvert le score comme face aux Girondins. Les Niçois ont concédé l'ouverture du score et comme face aux Girondins ils ont réussi à retourner la situation. Sauf que bon, Lille n'a pas eu autant d'occasions que les Girondins. Samedi après-midi à 17h à Angers, Monaco a galéré, Monaco a subi, Monaco a concédé un nombre incalculable d'occasions, mais Monaco s'est imposé 1-0 grâce à Radamel Falcao, qui mine de rien est en train de faire sa petite saison lui aussi. Alors c'est pas l'image de Cavani, bon il a été blessé plus souvent, mais enfin quand même. Samedi soir donc, Bordeaux a battu Metz 3-0, tout va bien à Rennes, qui en a pris 3 à Nancy. Tout va bien aussi du côté de Caen, qui a battu chez lui à domicile dans la lutte pour le maintien face à Montpellier 2-0. D'ailleurs, est-ce qu'on a des nouvelles de Fred Gilbert ou pas? Apparemment, c'est la fin de saison. Voilà, ouais, apparemment, c'est la fin de saison. Dijon, dans un match extrêmement important à la maison face à Bastia, a perdu 2-1 avec un but notamment pour Bastia, d'Enzo Crivelli. Et le score de la soirée, la surprise de la soirée, c'est Lorient, 18e premier non relégable, qui enchaîne sa 3e victoire d'affilée. Et pas sur n'importe quel terrain, sur le terrain du 4ème de Ligue 1 qui a donc enchaîné sa 12ème défaite. Tiens Louis, ouais. Juste, je sais pas si tu es au courant, en Espagne, une équipe qui a 12 défaites, elle est pas 4ème, rassure-moi. On est d'accord. Non, parce que c'est Séville, Barça, voilà. Atlético Real, ils ont. C'est ce que je disais à Thomas, ouais. Tu prends les 5 grands championnats, à mon avis, le premier qui a 12 défaites, il est au moins après mais la 10ème place. Hein, c'est rare que le 4ème ait plus de 12 mais défaites. Parce que derrière ça suit pas, c'est aussi ouais, simple c'est que ça. Si derrière ça suit. Moi j'ai une question pour lui, c'était pour savoir s'il parlait de la Ligue 1 en Espagne. On va poser la question tout à l'heure. Je l'ai dit un petit peu au début, un tout petit peu parce qu'il y a Bein en fait, comme en France. Bein. Ouais, et il passe surtout Paris, Marseille, Monaco et un peu Lyon et le reste ils sont fous. Ils doivent suivre aussi peut-être un peu les rares espagnols, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Voire pas Darder et plutôt PSG. Il n'y a que Darder, ouais. Si non. Au PSG il y a. C'est l'espagnol Darder. Ah ben non, il n'y a plus Ressé. Oui, Darder, ça ouais, c'est Darder. Plus Ressé, ouais. Donc à part lui, je ouais, c'est vrai qu'à Paris il n'y en a pas. Oui, et puis Emery qui coach, oui, voilà. Qui coach Paris Saint-Germain. Assez dubitatif d'ailleurs, hein, en Espagne sur Emery. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Ouais, il fait pas trop. Pourtant, il a un palmarès qui parle pour lui quand même. Ouais, mais dans les grands matchs, notamment quand il était en Espagne, à Séville, il était pas. Quand il jouait par exemple le Barça, le Real, il était pas extraordinaire. Donc on l'aime moyen après. Ouais, il perdait tout le temps, surtout. C'est ça. En même temps, quel coach. Je trouve un peu dur parce que franchement, on lui reproche quoi au final de perdre contre le Real et le Barça. La base, comme ça. Si tu gagnes pas contre le Real et le Barça, c'est que t'es pas un entraîneur de ouf. C'est beaucoup plus. On parle souvent de la presse française qui est dure, mais la presse espagnole ou italienne ou anglaise. Et italienne aussi, ouais. Mais bien plus dur que. Ouais. Marca et As, c'est assez dur. Ah ouais, c'est quasiment des assassinats en règle. Et puis on a l'after chez nous en France, un peu de foot, etc. Là-bas. Il n'y a pas là-bas? Si. Et toutes les chaînes de radio ou télé ont un truc de foot le soir. Quoi. Ah ouais. Après, c'est l'Espagne, quoi. Ouais. Ce qui nous donne au classement, messieurs, cette Ligue 1, vous allez le voir, elle est je toujours. Je t'ai fait chambrer. Tiens, avant le classement. C'est Espagne. Non. Ah oui, il y avait un petit français. Non, ils s'en foutent des matchs amicaux. Ouais. Avant de passer au classement, je vais vous donner les matchs de la prochaine journée, messieurs. Vous verrez que c'est ô combien intéressant pour les Girondins. Angers recevra le PSG, ça sera vendredi 20h45 à suivre en direct dans Girondins Analyse. On peut rattraper le PSG encore. Angers qui se tape Monaco et Paris en 2 semaines. Allez. Un autre match qui va être très important, cette fois-ci le lendemain pour le titre, c'est Monaco à 17h qui reçoit Dijon. Les 5 matchs du samedi 20h, c'est Nancy qui se déplace à Nice, Montpellier qui reçoit Lorient, match ô combien important pour les Lorientais, Guingamp, Toulouse. Et pour Montpellier, pour conforter, ouais. Même s'ils en sont sortis, mais vous allez voir qu'au classement, c'est quand même hyper serré. C'est serré. Le match de la peur, Metz-Caen. Et le match qui pourrait devenir le match de la peur, Rennes-Lille. Je pense que celui qui perd là aussi, ça va commencer à claquer. Du Fessier, dimanche 16 avril à 15h, Nantes-Bordeaux, on y reviendra vendredi, sans supporters bordelais, pas sans CENT, hein, sans SANS malheureusement, puisque le préfet, je crois que c'est de la Loire, a interdit l'arrêté préfectoral est tombé cet après-midi, il n'y aura pas de supporters bordelais à Nantes, à 17h, et là, pour se relancer les enfants, quand t'es Lyon, quand t'en as pris 4 chez toi, faut aller te relancer à Bastia, c'est... Sachant que tu auras joué Beşiktaş le jeudi, ah oui, c'est quand même pas cadeau. Jeudi, hein. Et le big match qui intéresse les Girondins de Bordeaux, évidemment, c'est dimanche soir à 21h, Marseille qui reçoit. Oui, mais je l'ai vu. Qui reçoit l'AS Saint-Etienne. On. Oui, non, mais bon, je réagisse à ça, quoi. Le classement, messieurs, vous allez voir que cette Ligue 1, c'est pas toujours folichon ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est quand même assez hallucinant le classement. Je sais pas si hein, c'est aussi serré en Espagne, Louis. C'est-à-dire qu'une équipe, un point quasiment. Devant. Non, t'as les 4 devant et puis. Oui, après c'est large, mais les 4 devant, ça c'est serré quand même. Mmh. Oui, mais je veux dire, là t'as un point, c'est une équipe, un point quasiment. C'est un truc de fou que ça soit. Mais non, là en France, c'est assez abusé. Là, c'est abusé quand même. Et le tarif pour un Real Barça, oh, 400-500 balles, hein, ouais, 500. Ouais. Minimum. Ça dépend combien tu prends à l'avance, encore, mais il n'y a pas de place déjà. Tout en haut et exactement. Voilà, tu vois rien. Dans les arceaux, là, dégueulasse. Bon, après, c'est à la Santiago. Donc Monaco est leader avec 74 points, Paris est 3 points derrière, mais Paris a un match en retard, mais Monaco a également un match en retard à la et différence. Et 20 buts d'écart pour Monaco. Et donc y a... ça, il y a 4 points. Le match en retard de Monaco, c'est contre Saint-Étienne, non? Oui. Sauf que alors là, il y a un imbroglio total sur ce match-là, oui, mais il y a qu'en France qu'on voit ça. C'est-à-dire que ce match, suivant le parcours de Monaco Ligue des Champions, pourrait se jouer après la fin du championnat. Mais c'est complètement après la fin du championnat. Bah, tu veux le mettre quand? Si Monaco va au bout. Ils sont en Coupe de France. Il n'y a pas toutes les semaines la Champions League. Si. Puisque alors, c'est étalé sur 2 semaines. En Coupe fait, de France. Il faudrait que Paris élimine la Coupe de France. Et la Coupe de France aussi. Il faudrait que Paris élimine Monaco en Coupe de France à la limite. Et apparemment, la 38e journée pourrait être retardée. Pourrait être décalée. Ouais, non, mais c'est improbable. On place des matchs comme ça. On va dire, allez, on met une finale de Coupe de Ligue au mois de mars. Qui a rien à foutre au mois de mars. Enfin, bref. Donc Paris est deuxième avec 71 points, Nice s'accroche toujours à sa troisième place, 70 ils points. Vont y être, hein. Et mine de rien, Nice est toujours en course mais pour ils le vont titre. Y être. Il reste 7 matchs. Derrière, c'est là où le trou se creuse, 16 points d'avance pour Nice sur le 4ème Lyon, 54 points. Et Bordeaux, juste derrière, 5 points. Juste derrière, 5 points, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup mais hein. Franchement, ils doivent juste, pas jouer un gros don... Lyon, genre Nice. Je sais plus qui. Nice si, et Monaco. Gros, ils prennent Nice à la dernière journée. Et Monaco aussi dans les dernières. Monaco, enfin ils prennent Lyon voilà, aussi. Mais c'est bon, on est qualifié. Bordeaux, on est qualifié. 49, joue Saint-Etienne et Marseille. 5e avec 49 points, Marseille 6e, 48, Saint-Etienne 7e, 45. On va en parler dans la lutte à 3 là dans quelques instants. Nantes 8e, 42 points. Mine de rien, Nantes t'es pas si loin non plus. T'imagines si tu perds à Nantes, ils te reviennent à 4 points derrière. C'est pas non plus la faute. Oui, non, mais c'est bon. Il va falloir aller gagner. Ils reviennent bien, les Nantais. Hein. Ils reviennent très bien, les Nantais. Ouais, Toulouse, ils ont des trous. Je suis parti, 41 ils avaient, points, 9e. Égalité Gérard. Avec Guingamp, 10e, 41 points. Rennes et 11e à 40 points. Angers, 12e, 39. Lille, 13e, 37. Montpellier, 14e, 36. Metz, 15e, 35. Je vous dis, c'est un classement de fou. 16e, Caen, 32. Il y a 3 points d'écart. Le trou commence un petit peu à se creuser. Nancy, égalité avec Lorient. Mais Lorient est derrière Nancy à la différence de but. 31 points et donc Nancy est barragiste. Dijon 19e, 29 points et Bastia dernier 28 points. Mais ces deux équipes, d'une journée à l'autre en Ligue 1 ça peut varier. Lorient peut se retrouver dernier à la prochaine journée si Dijon et Bastia gagnent leur match, sachant que Dijon joue Monaco. Donc autant vous dire que c'est pas gagné. Messieurs, on a fait un petit point rapide. Je vais vous épargner le classement des buteurs parce qu'il est toujours inchangé. C'est Cavani est sur une stat, les enfants. Et sur des stats totalement hallucinantes. On parlait beaucoup de Zlatan et à juste titre parce qu'il était également sur des stats hallucinantes. Cavani, il est sur 29 buts en 29 matchs en Ligue 1 et toute compétition confondue, je crois qu'il en est à 42 matchs. Et je crois qu'il a égalé Messi qui était à 43 et avec son doublé, son triplé saison, d'hier hein. Ou son doublé, il est non, à 42 ou 43. Il est à 42. Une super saison. Il peut peut-être égaliser le record. Et s'il avait une équipe, Zlatan il serait en quart de finale avec l'an dernier. Ouais. c'est avec totalement Emery. Hallucinant ce que fait Cavani, et il le fait derrière Zlatan. Enfin, fallait y passer derrière Zlatan. Et après, voilà, les buts qu'il marque encore hier soir, tu vois, on savait que c'était un grand joueur. Quoi. Enfin, sa finale de Coupe de la Ligue est ouf. Son match, même si j'ai vu, Barça, il a un ouf. Raté quand même assez impressionnant. Ouais, mais après, à côté de ça, comme hier, il a un raté de la tête ou il a mis à côté de ses pas comment. Il a tellement d'occasions qu'il est obligé de louper quelques-uns. Ce mec, je me rappelle de lui, je le suivais déjà à l'époque, c'était à Palerme, avant qu'il aille au Napoli. Et déjà à l'époque, il avait quand même une certaine classe. Et c'est vrai que là, le mec est en train d'enchaîner. Du coup, la Lacazette fait ce qu'il peut, mais bon, quand il n'y a pas de pénalty, c'est plus compliqué. Mais il est quand même avec 15. Et je vous parlais de Falcao. Falcao est mine de rien. À 17 buts sur 23 matchs, c'est quand même pas dégueulasse. En étant blessé encore. En étant blessé. Et t'as toujours Steve Mounier, je crois. Et entre Steve Mounier et Radamel Falcao, il y a quand même Bafé Gomis avec ses 16 buts. Non, et Mounier est à égalité avec Balotelli à 13 buts. Santini à 12. Et le premier Bordelais, on est toujours loin. C'est Rolan à 8. Ah, 8 buts Rolan en championnat quand même. Et Crivelli également à 8 buts. Balotelli fait quand même une saison assez. Sachant que Balotelli a marqué ses deux premiers buts à l'extérieur, lui qui n'avait jamais marqué à l'extérieur, il avait toujours marqué à l'Alliance Riviera de Nice. 13 buts en 19 matchs. Balotelli, le ratio en Ligue 1 est pas dégueulasse. Allez, messieurs, on va enchaîner avec le débat. 22h19, on est bien. Est-ce que j'ai le résultat du sondage Twitter? Oui, je clique dessus et normalement ça devrait s'ouvrir. On vous a posé la question sur Twitter. Les Girondins, alors, on pose des questions quand même, je pense, avec des réponses assez faciles quand même. Les Girondins doivent-ils aller chercher la 4e place ou doivent-ils se focaliser sur la 5e? Réponse oui. Et tu vas voir que si on perd à Nantes, c'est les Girondins doivent-ils se consacrer à la 6e place? Évidemment, si ou tu la fais 5e, le sondage. C'est débile. Oui. Non. Bordeaux, donc tiens, oui. Tiens, Marc, prends-toi ça. 64% objectif 4e place. Oui, mais. C'est débile et pas tant que ça, parce qu'au final, on parle de la 5e place depuis un moment, mais. Le seul qui a parlé de la 4e, mais, Lyon a pas un calendrier facile. J'ai regardé les calendriers de Lyon, de Saint-Étienne, de Marseille, de Bordeaux. Honnêtement, celui qui a entre guillemets le calendrier le plus, je vais pas dire simple, parce qu'il faut aller à Nantes, il faut aller à Saint-Étienne et il faut se taper Marseille. Et il faudra peut-être finir à Lorient s'ils jouent leur survie. Mais à côté de ça, Lyon se tape Nice, Marseille se tape Saint-Étienne, Marseille se tape Monaco, Marseille se tape. Enfin, ils ont du lourd. Nice, il y a Marseille-Nice aussi. Il va y avoir vraiment du très lourd pour ces trois équipes-là. Est-ce qu'au final, on se dit, allez, il reste 6 matchs ou 5 ou je sais pas combien. Et Lyon va avoir 2 matchs de Coupe d'Europe. On se dépouille sur ces matchs-là. Lyon va avoir au moins 2 matchs de Coupe d'Europe en plus, dont un très déjà compliqué à la maison jeudi face au Besiktas. Et je vous parle même pas du match retour suivant le résultat de l'aller. Ça peut être vraiment un cauchemar. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas aller chercher cette 4e place, Louis? Moi. Tu m'aurais dit ça, on aurait 2 ou 3 points de retard, oui. 5, ça commence à me paraître beaucoup. D'autant plus qu'il y a le goal average très, très, très favorable pour les Lyonnais. Je crois qu'ils sont à plus 27. Et à 27. Voilà. C'est étiquette. Et donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'il faut prendre 6 points là où ils vont. Enfin, c'est-à-dire qu'il nous faut 2 victoires de plus qu'eux, en fait. Et là, je vois Lyon, mal où ils sont les mettre. Plus 26 et Bordeaux à plus 7. C'est vrai qu'on a un petit déficit donc, quand même. Je trouve que 5 points, ça me paraît énorme. Et puis, on sait en plus que Lyon est capable de repartir sur une dynamique, de remettre des 4-0, etc. Et nous, on est. Il faut faire attention. On a vu le premier quart d'heure contre Metz, c'était pas la folie, etc. Donc, voilà, je pense qu'ils ont plus de sécurité que nous. Ils ont plus de points et plus de goal average. Après, si on vise la 4e place et qu'on n'y arrive pas, on sera 5e dans tous les cas. Donc on sera qualifié. Belle déduction. Oui, non, mais je veux dire, on sera pas déçu comme ça. J'allais au dire, final, quitte, on sera européen. J'allais donc, dire. Quitte à tout donner, autant. Quitte à voilà. faire 5, voire même 6, parce que si, forcément la 6e sera. Oui, je pense que 6e sera aussi. Ou Paris ou Monaco ira en finale. Oui. Et honnêtement, vous n'allez pas me faire croire qu'en finale, c'est ou Guingamp ou Angers qui va. C'est mieux battre. D'être 5e que 6, que ce soit au niveau déjà du prestige et en plus de l'argent après. De l'argent. Voilà. Mais, et des tours au mais est-ce qu'on n'est pas tenté de dire, quitte à faire 5, voire peut-être même 6, tentons, allons chercher la 4e place, vous quoi. Voulez, et puis si ça passe, ça passe. Si pas ça passe pas, c'est passe pas. Non, tiens, voilà. Alors, Adrien, vas-y, parle. Vas-y. Je pense que la question, on aurait pu, mais on connaît pas les résultats, la poser la semaine prochaine, lundi, après le match. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Lyon, comme tu l'as dit, sortira d'un match compliqué face à Besiktas et ira à Bastia et seront comme des morts de faim. Et je pense que nous, face à Nantes, on a vraiment quelque chose à jouer. Donc je pense que la question est. Je pourrais répondre à ta question que lundi prochain. On en reparlera vendredi, mais si Nantes, ça va quand même. Nantes tiens, il y a un 6e but Lensois à Ajaccio. Premier set. 6-3, il reste 20 minutes, 10 minutes. Thomas. Moi je pense que... Pas devant le micro Adrien, j'en ai déjà dit, ça fait du bruit. Ou alors tu me le dis et je le coupe, tu vois. Voilà. Oui, non, mais... non, je, bah ouais, je pense que la quatrième place est jouable. Honnêtement, elle est jouable. Mais je trouve qu'on a perdu déjà c'est pas mal de points, surtout lors de la dans première partie de saison. Dans deux à Bordeaux contre Lyon. C'est vrai. Et c'est vrai, contre ces contre deux points-là Nice, vont peut-être faire... Nice, on mérite mieux. Voilà, c'est... Mais après, j'en veux pas spécialement à ces matchs-là. Je trouve que la première partie de saison, c'est surtout là où on a perdu les points bêtement. Vraiment bêtement. Mais pour la quatrième place... Tout va dépendre de ce que Lyon va proposer en Europa League, de l'intention qu'ils vont mettre, de l'effort physique qu'ils vont laisser. Parce que en alors, championnat, mais on ça l'a va... clairement dit sur RL Télé tout à l'heure, ouais. Il faut gagner la Ligue Europa. Donc voilà, donc clairement, ils vont laisser des c'est leur seul physiques. Moyen d'arriver en Ligue des Champions. Ils ont 15 points de retard à 5 journées de la fin, 16 points, c'est irrattrapable. Mais j'ai l'impression qu'ils disent ça comme gagner la Coupe de Ligue. Enfin, je sais pas s'ils s'en rendent compte que gagner l'Europa League, c'est pas. C'est ce que après... je disais à Thomas, les mecs ils croient que. Ouais, j'ai l'impression il que c'est faut, trophée, donc on va. C'est trophée des champions le truc. Genre, au mieux, tu bats Besiktas, t'as United derrière. Mais je pense que s'il gagne l'Europa League, c'est le plus beau trophée qu'il a jamais eu avec son club. Alors, j'aime beaucoup ce pseudo. En même temps, il n'y a pas beaucoup de clubs français qui ont gagné la Coupe d'Europe. Le bien nommé Ernouche 33. Je vous expliquerai ce que c'est, l'Arnouche, si vous savez pas ce que c'est. Il nous dit Lyon, ils vont à Bastia, ils reçoivent Monaco et ils vont à Angers avec l'Europa League au milieu. Oh, c'est bon, ils prennent 0 points. Ça fait quand même lourd. Si, à Bastia, je le vois quand même. Parce que Bastia, c'est faible hein, quand même. Mais ils ont gagné Bastia. Cette année, c'est faible. Hein. Même à domicile, c'est quand même lourd. Alors, c'est vrai que Bastia, ils vont finir à cette année contre Lyon. Voilà. Ouais, mais parce que les années passées, on disait ouais, Bastia à domicile c'est fort, c'est à l'extérieur, c'est même là cette année à domicile, c'est quand même pas. C'est pas non, mais il y a Crivelli qui est revenu. Mais ils vont. Mais oui, mais Crivelli est très important. Je crois que a marqué, alors tout vous, peut arriver. Vous prenez les stats de Bastia sans Crivelli, mais c'est une catastrophe. Avec Crivelli, c'est totalement et différent. Les stats de Bordeaux sans Téline alors. Ah ouais, c'était impressionnant. Mais Lyon peut potentiellement perdre 9 points. Et c'est pas fou de dire ça. Mais on parle d'une équipe qui a 12 après, défaites. On joue qui après nous, après Nantes ? Eh bien, on reçoit Bastia sûrement. Et on va à Dijon. On va à Dijon ? Oui. Et on va où alors après Dijon ? Et après, on va à Marseille. On reçoit Marseille. Après, on va. Non, on va à Saint-Etienne avant Marseille. Et après, donc Marseille. Donc, avant Saint-Etienne, on peut possiblement prendre 9 points quand même. Et être 4ème. C'est faisable. Dans l'idéal, dans l'idéal, il faudrait recevoir Marseille avec, allez, 5 points, ça serait bien. 5 t'as 5 points d'avance. 5 points d'avance sur Marseille. Quelqu'un peut lui remettre son micro ou fais-le toi-même, mais parce que c'est le talent. Voilà. Non, mais tu reçois Marseille, t'as 4-5 points d'avance. Sur Marseille et... Sur Marseille, ouais, c'est même fait, si t'as 4-5 points. Non, t'as un match derrière après alors. Ouais, d'accord. Tu peux perdre tes deux derniers matchs. Ouais, mais ils jouent contre qui Marseille le dernier match ? Ils jouent un gros match, je crois. À Saint-Etienne. Voilà, donc. Non, c'est ce week-end. Non, c'est Nice, non ? Non, c'est Lyon-Nice. Nice-Lyon derrière. Ah, c'est Marseille-Saint-Etienne ce week-end. Ce week-end, c'est Saint-Etienne-Marseille. Mais il faut noter, de toute façon, dans la logique. Moi, je veux faire descendre Lorient parce que j'ai un amour fou pour Loïc Ferry qui mérite pas que son club soit en D1. Oui, mais. Donc, il faut qu'il y ait un match en jeu la dernière journée qu'on fasse descendre Lorient. Mais après, dans la logique Loïc Ferry, c'est pas un président. De cette seconde partie de saison, il faut qu'on soit toujours dans cette moyenne qu'on a en ce moment en 2017 d'avoir 2 points par match. Alors là, avec 63 points, je pense que de toute manière, on sera européen. Et je crois qu'à certaines années, les 63 points, tu joues à la Champions League. Non. Oui, là, mais attendez les enfants. Mais si on veut être quatrième et avec les honneurs, il faut faire une fin de saison comme la première saison de Gilot. Comme avec Gilot, voilà. 6 matchs gagnés. Et question par hasard, parce que moi je suis un peu décalé. Il n'y a pas moyen de gratter des petits tours préliminaires de Ligue des Champions qu'en étant quatrième ? Non. Ah, si Monaco gagne la Ligue des Champions, non, je crois. Faudrait vraiment un concours improbable. Saint-Etienne a contacté l'UEFA. Même si Lyon gagne l'Europa League, la 7ème place n'est pas européenne. Ah bon ? Oui. Non. Donc. Parce qu'il y avait eu le cas en Espagne l'an dernier. Oui, il y a eu le cas en Espagne. Mais quoi, Saint-Etienne, ils ont appelé l'UEFA pour leur demander si la 7ème place était. Oui, parce que du coup, Lyon va en Champions League. Et du coup, comme ils sont 4ème, il y a une place en moins. Si Monaco gagne tout, alors Ligue des Champions, non, mais ça marche pas dans tous les cas. Ça change rien. Ils prennent pas de place. Je crois que Nice fait qu'un seul tour préliminaire. Parce que franchement, le 7ème qui fait l'Europa League, déjà le 6ème. En Espagne, ça avait eu lieu. Mais ouais, je sais pas si la quatrième place sera qualificative. Non, mais il y a des champions pour l'année prochaine. Qui on n'a pas entendu, tiens, sûrement. On a entendu tout le monde sur le sujet, sur la quatrième place. Sinon, on passe à la suite. Ouais, tout le monde n'a pas entendu, ouais. T'en penses quoi, toi ? Quand même. Bah, moi, je vous l'ai dit. Hein, les Français veulent savoir. Mais non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis Gourvennec, les gars, quitte à être 5ème, ah oui, quitte à être 6ème, bah allons-y. De toute façon, ça coûte quoi ? Qu'il reste 5 matchs à jouer, 6 matchs ou je sais pas combien, hein. Ben façon, je pense qu'il n'y a même plus d'objectif de place là. C'est un objectif, voilà, de gagner les là, points. Là, t'es dans le Moneta, il n'y a même plus d'objectif. T'as 4 matchs, t'as 5 matchs. Voilà. Tu peux même être en Ligue des Champions encore. Donc faut jouer le quoi faut. Faut gagner. Il n'y a même pas. Ah ouais, c'est bon ça. Arsenal qui prend 3-0 à Crystal Palace avec un doublé, avec un but de Cabaye. Pas un doublé, mais c'est la fin de Wenger. L'arrivée de Jardim l'année prochaine à Arsenal. Ah, moi perso, que Arsenal se fasse crever, mais alors ça me va très bien. Et la Real Sociedad, tiens, Louis, pour toi, mène 3-0 face à Giron. Giron, ouais. Et petite équipe. Riron, et l'entraîneur de la Real, il est pas d'ailleurs pressenti pour entraîner le Barça. Parce que je me demande. Je crois. Il traînait un peu dans les tuyaux. Ouais. C'est toi l'espagnol. Correspondant. Comment Maxime Pouget fait pour être suspendu pour le prochain match? Parce qu'il a pris un rouge contre Bayonne. Ouais. Ah, il s'était expulsé en. D'accord, ok. Un beau match d'ailleurs. Ils ont gagné largement. 4, oui, et 4-2. Il a pris un rouge. Mais écoute, apparemment. Non, moi j'aime bien Maxime Pouget. Bien, surtout messieurs, si venir je vais vous lancer analyse. Sur. On a fait un sondage sur Twitter. Oui. Quelle place pour Bordeaux en fin de saison ? Alors, on vient un petit peu d'en parler. La première. À l'inverse, ouais, justement. c'est Marc qui les écrit les questions sur Twitter parce que dans chaque question, il y a moins une faute d'orthographe. Au SWAT, hein, SOIT, hein, évidemment. Au lieu d'osoir, ah oui. De la 38e journée de Ligue 1, quelle sera la place des Girondins de Bordeaux? Vous aviez le choix entre 4, 5, 6, 7. Alors, autant vous dire que la 7e, il n'y a que 1% des gens qui ont voté. La 6e, il n'y a que 12% des gens qui ont voté. La 4e, 24% et 63% des gens ont répondu 5e. Ça veut dire quand même aussi que, bon voilà, faut peut-être pas non plus, il y a quand même une certaine lucidité aussi à avoir. Non, 5e, on est tous d'accord déjà pour dire que si Bordeaux fait 5e au vu de notre si place, on est qualifié en Europa League et en plus on est devant Marseille, allez, que demande le peuple. Voilà, déjà honnêtement, on sera content si on est 5e vu là où on était en décembre. Exactement. Franchement, on va pas. Voilà, on va pas cracher. Ça manque l'Europa League, hein. Ça manque le jeudi soir, le petit match Europe. Ah, 3-1, tiens, Riron a réduit le score. Oui, bah après, et puis de toute façon, il faut. Quand t'es un club comme Bordeaux, t'as joué pendant, je crois, entre 96 et 2010 ou 9, sur t'as 3. Joué qu'une saison sur 3 pendant 15 ans, t'as joué tous les ans au moins Ligue des Champions, Europa League. C'est entre une saison sur 2 et une saison sur 3. Oui, une depuis, saison sur 2, tu fais pas la coupe. Depuis 3 ans, mais moi je te dis que pendant 15 ans, tu l'as joué non-stop. De toute façon, si tu veux grandir, ça passe par là. Hein. Ça passe par des participations régulières 80, en Europe, 4, peut-être pas 96-97 parce que tu finis 15e, mais à partir de 97-98. Mais tous, à tous, je te dis, 2001, 2002, t'as joué tout le temps au moins l'Europa League. Oui, bon. Par contre, Seb, je pense qu'on va être tous d'accord autour de la table. On a été longtemps l'équipe qui avait joué le plus de matchs en Coupe d'Europe. Et tout après, à fait. Est arrivé. Bravo. Oui, Thomas. Non, je vais te dire qu'on va être tous d'accord autour de la table sur ce que je vais dire. Je pense, c'est que. Méfie-toi. On va aller en Europa League, c'est quasiment sûr. Par contre, il va falloir un peu la jouer quand même. Avant de dire on la joue, déjà on s'y qualifie. Non, et il va falloir se renforcer au milieu. Hein, et il va falloir tenir en championnat aussi. Milieu relayeur offensif. Il va falloir tenir en championnat parce qu'on a l'habitude ça, de jouer l'Europa League et de tout lâcher ensuite en championnat. Ça, après les enfants, ça dépend même pas de Gourvennec. Attends, deux secondes. J'espère vous dites ça, mais Saint-Etienne qui, même ça se trouve, fera pas cette année la Coupe d'Europe. Je leur souhaite parce que j'aime pas l'OM. Mais. Ils jouent la Coupe d'Europe, ils n'ont pas forcément un effectif meilleur que le nôtre. Ils sont 16e ou 8e de finale. Ça ne les empêche pas de finir 5e ou 6e de championnat. Bon, alors. Mais Bordeaux, ils ont eu du mal. Oui, mais on n'avait pas un effectif. T'as vu le nombre de blessés qu'on avait eu. Dès le premier match à Almaty, t'avais 8 blessés. Oui. Donc, tu commences la saison avec 8 blessés, c'est fantastique. Mais après, Gourvennec. Mais la vérité. Dis-nous la vérité. Gourvennec. Les Français attendent la vérité. Les Français veulent savoir. Monsieur Poutou. Les Girondins. Si on parle des Girondins. Le nouveau stade. Le nouveau stade de Céline Connery. Ah bah, d'accord. Bon. Non, calme-toi, non. Ta gueule. Calme-toi, s'il te plaît. Et donc, non, mais. Ta gueule. Gourvennec, vu comment il a joué avec Guingamp, on peut être que envieux ou enfin je sais même c'est pas le mot. On a envie quoi. Si avec Guingamp il est arrivé en 8ème de finale ou 16ème, ouais. Si avait Bordeaux bon, ça donne envie, arrive, il n'y arrive pas, c'est que c'est il essaye de nous expliquer quelque chose, on va peut-être pas tout comprendre, ouais. Mais laissons le cet homme essaye de parler, laissons ce jeune homme s'exprimer. Non mais vas-y Alexis, ça donne envie, voilà. Non, je dis. C'est tout. Oh là là. Vu la phrase qu'il a. C'est tout. Vu la... non, mais t'as rien d'autre là comme ça qui vient. Et vu la phrase qu'il a dite, à part ça, c'est moi l'handicapé, sans déconner. Vas-y, Alexis, parle. Oh putain, là ça fait peur. Wow, wow, wow. La troisième dimension. Non, bon, allez, moi, les enfants, on avance. Dire, on avance. Je pense que. Pédale dans la semoule. J'ai un truc à dire, sans déconner, par rapport à Gourvennec. Oui. Je pense que pour l'année prochaine, ça va être la révolution Girondin de Bordeaux. La révolution. Ah ouais. Mais non. Pourquoi? Alors, moi, il y a un truc que je comprends, mais ça, c'est typiquement français. Pourquoi, la révolution? Pourquoi vouloir faire la révolution? Attends, t'as une équipe qui marche. Pourquoi tu veux faire la révolution? Attends, en quoi la révolution? Parce que je pense. D'accord, je te rejoins sur le fait qu'il va falloir la jouer. Mais justement, s'il va falloir la jouer, il te faut 5-6 joueurs supplémentaires. Ah oui, ah oui, on l'attend. Et je pense qu'au niveau effectif, ça va faire un ménage de ouf. C'est pour ça que quand je vous disais Benjamin Cornier. Voilà. Oui, non, mais alors toi, remballe. Bah, non, non, non, mais. Et va jouer sur Football Manager. Comme ceux qui disaient sans carré, c'est nul et tout ça. Allez, les enfants, on va avancer. Moi, je vais assez kiki pour niquer tout. On va passer au débat. On avait proposé deux choix de débat à nos amis Twitter, je sais pas comment on dit, Twitter. Alors, le temps que ça charge un peu, il va falloir meubler. Ah, bah super, j'ai pas le résultat. Ça, c'est cool. T'as le résultat De quoi j'ai pas il le... va ah, attends, ça charge. Ah, attends, c'est peut-être pas... Tout est pas... Bah, j'ai pas le résultat. Donc, voilà. On a posé la question pour l'émission de ce soir. On débat plutôt de... Ah, si, ça y est, je l'ai. Roland... Oh, putain, la vache. Et les gens sont... Roland ou Plasil? Bah, les gens à 52%. Bon, c'était serré, mais les gens à 52% ont décidé de parler de Roland numéro 2 après la barre. On parlera de Plasil en fin d'année, comme ça. Bah, ouais, mais le problème, c'est que là, on a proposé, Marc a proposé un débat où tout le monde va être d'accord. Bah, oui, Roland, il est numéro 2 après la barre. Voilà, oui. Allez, c'est Kiki, sauf que c'est Kiki, il est pas prêt. C'est non, pas allez. Grave. Non, alors, non, par s'il contre, faut argumenter. Alors, on va argumenter. On va plutôt même tourner le truc différemment. Moi, j'ai deux choses de à dire sur ça. Roland, mine de rien, était titulaire indiscutable il y a encore 6 mois. Et force est de constater que de par ses contre-performances et de par aussi les bonnes prestations de Gaëtan Laborde, eh ben il se retrouve en double. Est-ce que l'annonce... Ouais, mais les Girondins et Jocelyn Gourvennec vis-à-vis de Roland se retrouvent dans la merde. Mais non, mais ils le vendront sans souci. Il a annoncé lui-même qu'il voulait pas rester. Ils le vendront sans souci. Oui, mais justement, en le faisant pas jouer, comment tu veux le vendre? Mais si, mais regarde, ils regarderont ses stats, ils verront qu'il a marqué au moins 10 buts. Alexis, ils regarderont le plus beau but de l'année contre Lyon. Alexis, faut que tu comprennes quelque chose. Tu crois vraiment que Jocelyn Gourvennec va faire jouer Roland pour le vendre? Non, Jocelyn Gourvennec qui fera jouer Roland si Roland il est bon. Et si Roland il est pas bon, il jouera pas. Arrêtez deux secondes, soyez logique. S'il veut partir comme il le clame depuis un an et demi, il sera forcément bon mais quand non. il mettra sur le terrain. Roland, il est international. Mais la preuve, il a été Alexis, le PSG. Mais non, mais Alexis. Il sera vendu sans Roland, souci. Il sera vendu. Ouais. Il sera vendu à un club moyen européen, mais il sera vendu. Il a pas besoin de jouer au pour être vendu. Roland. Celta Vigo, ils ont besoin. C'est un bon club. Roland, il a fait. Roland, il a ses stats pendant 4 ans à Bordeaux. Elle parle pour lui. J'ai du respect pour Cavani et tout, mais en Uruguay, devant, il y a rien. Mais non, mais t'inquiète, non, mais Roland il partira, il a pas besoin de jouer pour en partir. En Espagne, il va avoir une grosse cote. Donc au lieu de le vendre 12 millions, tu le vendras 3 millions, tu seras content. Mais non, mais c'est pas parce que tu vas lui faire jouer 5 matchs en fin de saison que tu vas le vendre 12 millions. Ça marche pas comme non, ça. Mais... Et il te fait gagner contre Marseille et Saint-Etienne, tu vas pas le vendre le double? Mais non, mais bien sûr si. Que non. Mais après, sur Roland. Ah, mais il jouera pas. Mais sur Roland, d'un côté. Il perd sa place, mais si on veut parler du joueur perdu, en disant c'est pas un joueur, vu qu'on parle de ses mauvaises performances, non, je pense plus que Roland, le problème depuis le c'est deuxième un problème de régularité. Mais la régularité, puis aussi on est passé d'un schéma de jeu qui lui correspond pas du tout. Il est pas capable de jouer comme ça. Il se retrouve pas dans ce système là, c'est clair et net. Et après, rien ne dit que dans un 4-4-2 avec la borde à côté. Les deux années craint. Où on doit le vendre, on l'a pas vendu, donc c'est quand il est vraiment des gros. Oui, mais ça, non, mais ça, alors ça aussi, c'est le genre de discours. Cyril, il dit pareil. Mais non. Mais Alexis. Tu sais comment ça marche, mon grand. Le mec, il aura tant d'offres alors qu'il joue jamais. Mais au moment où tu ne le vends pas, tu peux pas te douter de savoir qu'est-ce qu'il fera. Tu te dis, bah, la saison prochaine, il sera aussi bon ou plus fort ou pas bon. Ouais. Mais tu peux pas te dire on le vend maintenant parce que l'année prochaine et il va être pourri. Les offres étaient pourries. Et ça se trouve les offres étaient pourries parce qu'on a entendu des trucs. Faut arrêter de croire tout ce qu'on lit sur internet. Ouais, 25 millions de Crystal Palace. Mais vous croyez vraiment que Bordeaux ils auraient refusé 25 millions? Arrêtez de rêver. 25 millions, ils seraient déjà partis. On sait juste qu'il y a eu une touche avec Fenerbahçe ou Galatasaray. Mais lui il avait pas envie, ça se trouve. Ça se trouve il avait pas envie. Déjà un, lui il a peut-être pas envie. Et ça se trouve il donnait 3 millions à Bordeaux. Et voilà. Est-ce que et pour 3 millions, tu aurais dit oh, c'est pas possible qu'on laisse partir voilà pour 3 millions. Je vous dis, cet été il part pour 5 millions en Espagne. Il va remplacer Beauvue au Celta Vigo. Mais c'est un bon club, Celta. Celta Vigo, c'est un bon club. Celta, un mec comme Titi et tout. Un mec comme Roland, franchement, je pense qu'il pourrait. Celta, ça me paraît un peu bien sa place. Avec Aspas, Guidetti. Guidetti qui est quand même un très bon joueur. Et moi, si on prend Beauvue à la place, ça me va très bien. Oui. Bah, je vous le dis tout de suite. Ouais, on l'avait annoncé cet été aussi, un peu, il y avait des touches. Mais bon, en fait, on prend que les mecs à relancer, nous. Non, vous voulez pas de cornier. Ouais, voilà, c'est ça. Gourvenec, les joueurs de Guingamp. Gourvenec le connaît, il l'a eu pendant 3-4 ans à Guingamp. Mais vous voulez que je vous dise qu'il y avoir une connexion avec Sankaré aussi. Vous voulez Cornier, tu l'as dit 10 fois. Non, non. Alors moi, j'ai déjà deux recrues. J'ai Cornier et j'ai Briand qui est en fin de contrat. En doublure. Ah, Adrien, Briand, il a. Mais complètement barjo. Qu'est-ce que tu veux nous foutre un mec de 34 ans là il qui a pas 34 avance ans, il a 31. Il a 14 de vitesse dans FIFA, tu veux nous le foutre au Girondin? Il a pas 14. Regarde les matchs Guingamp, tu verras. Ah, que mais à Briand... un moment donné, c'est pas un EHPAD non plus. Non, mais Briand en doublure. Non, c'est pas l'émission Cotorep ici. Ouais, non, mais voilà. On respecte même les si, handicapés. Même si nous sommes de dignes représentants de cette espèce. On respecte même... les handicapés, merde. Non, mais Briand en doublure. Après, je suis d'accord avec Adrien, peut-être pas à Bordeaux, mais il fait quand même une bonne saison à Guingamp. Oui. Tu l'as en doublure, mais je suis désolé. Non, mais après, je dis pas qu'il faut le prendre. Hein. Non, la question, il est gratuit. Non, mais Briand, il est gratuit. Vous vous parlez les uns sur les autres. Écoutez-vous parler et après, terminé, on passe au Sekiki. Si je vous écoute, parce que moi, je suis un grand garçon, j'écoute. Oui. Si j'écoute Seb ou Thomas ou toi, ou Adrien ou Louis, c'est Louis. Ouais. Non, Louis. Ouais. Louis. Chanté. On va vendre Roland, si je vous écoute. Ouais. Mais moi, on va vendre Roland. Mais qui vous prenez à la place? C'est ça la question. Mais comme c'est une doublure, moi je t'ai dit Briand gratuit. T'inquiète pas, mais tu... Parce que on parle de Roland, mais vous savez très bien qu'avec l'embrouille qui a vécu Ounas et tout, le club veut qu'une chose, c'est le foot dehors. Et bien il y aura d'autres recrutements. Oui, mais il y aura d'autres recrutements. Et avec l'argent que tu vas vendre sur Roland, tu vas prendre des mecs. Il y a Crivelli qui revient, et tu iras peut-être chercher un autre mec, l'équivalent d'un Diego Roland qui, quand il était arrivé à Bordeaux, était un total inconnu à 3 millions. J'ai un an à vous donner. J'ai un an à vous donner. Je sais que Thomas sera pas forcément d'accord. Un mec qui est assez expérimenté, qui joue peu, mais à chaque fois qu'il joue, il est très bon. Nabil Dira. Ah ouais. Bah, alors ça veut prendre Nabil Dira et le payer, et pas prendre Briand qui est gratuit. J'ai le choix entre les deux, je pense que je prends plus Nabil Dira. Payer Dira. Oui. Mais t'as vu les matchs de Dira? Il y a un joueur qui est titulaire toute la saison, c'est Briand qui est gratuit, et tu veux payer 1 million, 2 millions pour Dira. Là, mais t'as vu les matchs de Dira, il est très très bon. Quand je veux dire, il est très très à bon. À chaque fois qu'il joue, honnêtement, le bouillon Adrien, qu'il a mis contre Adrien, Marseille, pas le même Adrien, tu Roland. Joues pas si t'es en Coupe d'Europe. Je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour la carrière de Jimmy Briand. Il a fait une très bonne carrière et c'est vrai. Non, mais c'est vrai, faut arrêter de rigoler aussi. Je vais te ressortir ses stats si tu veux, puis tu rigoleras moins. Mais tu peux pas jouer l'Europa League avec Jimmy Briand. Nabil Dira, il a déjà des matchs de Ligue mais des Champions avec Monaco dans les jambes. Voilà. Sinon on n'est pas obligé de prendre un mec de Ligue 1 hein, sinon. Accessoirement ouais. Non mais je trouve ça scandaleux. Vous rejetez. Il y a Ernouche qui nous dit, il y a Crivelli qui revient, il y a Valère Germain qui va se barrer de Monaco sûrement aussi. Valère Germain, super coup si on peut, mais on n'arrivera jamais. Valère Germain, ça serait pas dégueulasse. Non, mais Emmerich dit Briand, je dis pas non, bon joueur, je préfère à Roland, surtout à 0 euros. Che nous dit, laisse Melou pour Plasil, donc il laisse partir Plasil. Johan de la Tribune Gol nous dit, Younes Alioui. Très fort, il plante des buts sur but avec Nîmes, valeur sûre. Prend Briand gratuit. Là, il a joué avec Football Manager, je suis sûr. Ah, mais j'ai trois joueurs à recruter. C'est allez, bon, c'est les vrai. Enfants, c'est l'heure. Vous allez vous scinder. Et Briand, je fais un mercato à 3 millions. Vous allez vous scinder en deux équipes, Louis, Thomas, rapprochez-vous l'un de l'autre parce que vous allez avoir. Il est sûr de gagner comme ça. Voilà, oh, non, sinon c'est fou, changer tout ce bordel. Non, c'est bon, c'est bon. Louis non. Thomas contre Alexis et Adriano. On va vous démonter. C'est parti pour le match de l'intelligence. Ah, de l'intelligence footballistique. Et maintenant, on fait un truc, celui qui perd, il a une. Sip nous dit c'est Kiki légendaire, mais tout à fait, mon gars. La légende s'écrit en direct d'Angers. Car les enfants. Non, mais c'est prévu, c'est alors, de vie et c'est bon ça. C'est mon Kiki. et je m'en pars avec lui tous les soirs dans mon petit lit. Ça t'avait manqué ça, Louis, ouais. Je suis sûr. Bah, y a pas ça en espagnol. Ah non, elle fait kiki. Elle fait kiki. Non, enfin, le c'est kikette quoi, pour le coup. Oh, kikette. Elle se pas chaud pas. Alors, je coupe cette musique. Ouais, voilà, fou la vache. Une voix d'enfant qui dit je m'endors avec lui dans mes bras, ça me fait des frissons. Tiens, c'est terminé. Lens a battu Ajaccio et se replace donc dans la course. Deuxième. Victoire à l'AC Ajaccio 6-3. Et Crystal Palace, il reste 5 minutes, mène toujours 3-0 face à Arsenal. Et la Real a gagné. Et pour toi, Louis, c'est terminé. La Real Sociedad a battu Riron 3-1. Avec, tiens, un but de qui pour Riron? Echi Gilet. Vous vous souvenez Echi Gilet qui était à Monaco l'année dernière. Oh là là là là. Allez les enfants, j'ai fait un séquiki un peu raccourci ce soir. Il y aura pas de match de légende, autant vous le dire. Donc on va faire très simple. On va faire du classique. On a fui, voilà. C'est qui dit donc sur le match de ce week-end. Voilà. C'est qui dit j'ai bien su me rattraper du match à Nice. Camano. Ah ouais, par contre notez les points parce que j'ai pas de quoi écrire. Adrien. Tiens. Ou quelqu'un, prend un papier, un crayon, n'importe qui et 1-0 pour l'eau. 1-0 pour l'équipe Alexis Adrien. Ah ouais, yeah. Bien joué. Il n'y a même pas son équipe il y a 30 secondes. Hein. C'est qui dit on a pris des contres, on a joué. Eichberger. Bon allez, je te l'accorde. Ouais, ouais, je l'ai dit à la Lorraine. Dans l'esprit, je savais que c'était ça. À ce moment-là, on peut participer à Gabouré. Il dit de nos hasards. Je suis désolé, ça marche. Pour la beauté du sport. Allez, note les points. Excuse-moi, je suis d'origine. Philippe Insberger qui dit on a joué dans les points forts de Bordeaux, donc c'était compliqué. On donne le deuxième but, on donne le troisième but, ça fait un petit peu mal, on se crée des occasions. À 3-0, quand on décide de jouer un petit peu et que l'adversaire relâche un peu la pression. Et Inverzé, il a poussé un petit coup de gueule quand même à la fin du match. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était sur BIN ou sur Canal, c'est toujours de foot. Où il dit voilà, moi je suis entraîneur du FCMS. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'ils ont pris une pile 3 jours avant en match en retard face à Metz 3-0. Là, ils reprennent 3-0. Je comprends qu'il est un petit peu mauvaise. Je pense que Asso Ekoto, il a dû passer un sale débrief ce matin du côté de Metz. Alors certes, il était pas le seul responsable. Mais enfin, quand même, c'est qui dit. S'il te plaît, Adrien. C'est qui dit, nous avons réalisé un très bon match, toute l'équipe a été très efficace. Voilà. Cédric Carasso, et qui rajoute, ma priorité c'est les Girondins car c'est mon club, cela a toujours été comme ça. J'ai des sollicitations mais ça ne m'intéresse pas. Mon objectif c'est les Girondins, on a un rendez-vous dans peu de temps, on va se rencontrer, on va discuter et à partir de ça, on verra ce qu'il y a de mieux à faire. Ça mais moi, quand même, ma tête, oui, elle est ici, il y a une belle fin de saison à jouer. Aujourd'hui je pense avoir montré, c'est vrai qu'il reste quand même sur 2-3 matchs. Mais moi j'aimerais pas être dirigeant des Girondins à ce moment-là. Si, marque les points au lieu de dire des bêtises. 2-1 pour toi. Enfin, pour toi et Alexis. 2-1 pour la AA face à la TL. Pour la AA contre la TL. C'est qui dit c'est l'équipe qui, sur cette année 2017, progresse énormément et donne et se donne les moyens. Non, elle mérite de jouer de manière régulière. Landreau. Il est là. 3-1. Et il n'y a pas le CFC en Espagne. Si. T'as pas le CFC. Elle est CFC. Mais tu vois Fred Hermel à la télé ? Qui fait une fois. Ah. El Mundo, il est El Mundo Deportivo. Tu comprendrais rien, mais bon. C'est qui dit il y a une vraie complémentarité entre ces trois-là. Et c'est vrai que Bordeaux est très séduisant avec Riolo qui arrive enfin à mettre son jeu en Baldé. Place. Non. Bribois. Baldé. Oui. Habib Bey. Qui c'est Baldé? Un mec qui était dans l'after oui. Samedi soir. C'est William. William Baldé. Mais c'est un chanteur, William Baldé. Un rayon de soleil. Non. Mais le gars, il est dans l'after maintenant. Et quelle progression. Mais c'est mythique. Mais c'est génial. T'imagines? Le 4-4-2 de Jocelyn Gourvennec. Oh là, c'est Mathis. Non, mais c'est pas lui. Mais bon, c'est... Non, William Ballet, je crois que c'est un journaliste. Ils l'ont eu quelques fois. En parlant de chanson, il y a peut-être le retour d'Alex. Alexis. Et vendredi, Alexis qui revient avec un album quasiment à l'intégrale. On verra. Les producteurs sont impatients. Un par un, on va pas tous vous faire non plus. Donc William Ballet, donc, est chroniqueur à l'after. Oui, et alors qui a donné la réponse? Personne. Si, si. C'est... Ah, j'ai dit Bay. Oui, c'est ça. Abid Bay. Mais c'est le départ, pour le point on était en train de rigoler. Non, mais je l'ai dit avant. Mais Abid Bay. Non, ils l'ont dit. Il y a 3-1. Non, il y a 4-1. Oh merci. Non, 3-1. Non, il y a 4-1, je te promets. C'est qui dit. C'est qui dit, tiens, est-ce que je cherche encore quelque chose sur le match de ce week-end? Oui, tiens, À propos du match, bon, bah, tout s'est bien passé. On a soigné la différence de but. C'était important de ne pas en prendre, non. On a eu l'efficacité devant, ce qui est une bonne chose. Gorvenek. Non, je me sentais bien ce soir. Valois. Valois. Voilà, il est là, le gamin. Hop là. Casquette vissée sur la tête pour cacher la coupe de cheveux. Et Thomas apporte le deuxième point à son équipe. C'est qui dit, messieurs, ça n'a rien à voir avec le match de ce week-end. Il nous parle un peu de lui. Il dit, voilà, cette saison a été compliquée, très compliquée par rapport au contexte. Un contexte parisien. Certique. Ah non. On croit que cela va aller plus vite, mais au final, ça va très lentement. Les infrastructures n'étaient pas forcément les mêmes qu'à Bordeaux, donc ça m'a fait un gros changement d'un coup. Après, je ne regrette rien du tout. Non, au contraire. Yabaté. Non, j'ai appris énormément de choses. Je pense que je n'aurais pas plus appris dans un autre club. Siani. Non. Je suis revenu ici avec d'autres ambitions et un autre regard sur le foot. La Borde. Non, la Ligue 2 est plus... Siani. Non, est plus... Aubraniac. Non, est plus physique. Au début du championnat, je n'étais pas forcément prêt à Pelna. Ça. Voilà, Pelna. Eh oui. Eh oui, il parlait pas de sa saison. Cette saison, il parlait de sa saison avec le Paris FC. Il a dit qu'il était d'ailleurs... Sauf que si je vous disais que c'était avec le Paris FC, ça aurait été trop facile. Théo, reste chez nous. C'est qui dit... tiens, ça n'a rien à voir avec le match de ce week-end. Il dit, ben, on lui pose une question sur la pression qu'on peut ressentir en fin de championnat quand t'as des échéances un peu compliquées qui arrivent. Il dit, ben ouais, c'est compliqué à gérer. Mais on savait qu'il fallait gagner, on en discutait entre nous. On aurait même aimé être champion avant la 38e. Non, avant la 38e journée. Pour ça, il fallait tout gagner. Et même en faisant une série de 11 victoires consécutives. Chalmé, Mathieu Chalmé. Exactement, c'est dans. J'ai trouvé ça sûrement, oui, je sais pas trop où. Je sais pas, j'ai dit au pif. Voilà. Bah, sûrement, il y a que là qui passe. On continue, messieurs, dames. Tiens! Alors là, je sais pas si vous allez l'avoir, mais si vous l'avez, allez-y. Et il me faut le nom complet. Triple point. François Camano est l'un des 13 nominés pour remporter le trophée. Du meilleur espoir. Non. Africain. Il me faut le nom du trophée. Golden Boy. Non. Mais non, mais c'est un truc sérieux. Trophée Georges Weah. Alors, il. Alors. Comment il s'appelle? Golden Africa Sagnol. Non, celui qui était mort sur le terrain là. Le Willy Sagnol. Et donc? Marc-Vivien Fauet. Trophée Marc-Vivien Fauet. Il est en lice. Il est en lice avec Seri et notamment Boudbouze. Donc ça va être compliqué pour lui de le remporter. Il y a combien? Il y a 7-2. 6-2. 6-2, sachant qu'il n'y a pas de match de légende pour ce retard. Il y a 7-2. Oh, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs à trouver. C'est bon. Si vous faites 6 à la suite, vous pouvez gagner. C'est qui dit? C'est qui dit? Attention, ça va être une question de rapidité, je pense. Carasso. Mais pourquoi tu parles pas en fait? Parce que je me concentre sur qui va parler en premier. D'accord. Quand je jouais à Bordeaux, Gourcuff. Je voulais quitter le club la tête haute. C'est ce que j'ai fait. Chamac. Kavenaghi. On peut dire ce que l'on veut. Wendel. Non. J'ai tout donné et continue toujours à soutenir Bordeaux. Diabaté. Ah non, pardon. Enrique. Diabaté, mais pour moi, je pensais que ça allait fuser, ça. Oui, fusée, non, je pensais que ça allait fuser, ça. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé que c'était sur le match. Bah oui, attends, non, quand même, j'ai Diabaté qui revient à Bordeaux avec Metz. On a gagné, c'est pour le panache. Le trophée Marc-Vivien Fauet, c'est le trophée du meilleur africain de Ligue 1, je précise, pour ceux qui ne le savaient pas. Merci à personne et à Johan pour la précision sur le chat. C'est qui dit? C'est un résultat logique, il me semble. La première période, elle est pour eux. La deuxième, elle est plus pour nous. Ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur entre guillemets. C'est toujours sur le match. Non. Non, ça va pas. Marius. Non. De nos trois derniers matchs, non, car on a fait une deuxième période où on a eu l'emprise sur le match et on aurait pu le gagner. Alors, Nicolas Sanoun. CV. Non. C'est déjà. S'il dit qu'il aurait pu le gagner, c'est que c'est peut-être pas à Bordeaux déjà, puisque Bordeaux ils l'ont gagné. Sinon, il aurait pas dit on aurait pu le gagner. Bon, le quad. Non. Ah, c'est Coteau. Non. On a au moins tenté de répondre aux défis physiques, même si on a. Alors pour l'instant, c'est très compliqué, mais rassurez-vous, je vais vous aider petit à petit. Aux défis physiques, même si on n'a pas réussi, ça reste un point qui nous permet de rester là dans la course à l'Europe, de rester en vie, même si on a Rudy Garcia. Rudy Garcia. Il Rudy est là, Garcia, le gamin. Mais il sort d'où, Rudy Garcia? C'est quoi le rapport avec les Girondins? Bah, parce qu'il joue la 5ème place. Parce que Rudy Garcia. Parce qu'il joue la 5ème place avec nous, et puis que et j'allais arriver au moment où il dit je préférais être chassé et 5ème, mais ce n'est pas le cas. Ouais, je te jure, je le fais. Il me reste 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon. C'est qui qui dit? Ah, j'ai 6-5, donc c'est bon, c'est intéressant. Ça va aller très vite. Parce que j'ai beaucoup aimé l'image. Bordeaux a éparpillé Metz samedi soir. Euro. Non. Ménez. Ménez. Ouais, bravo. Ah, 7-5. J'aime beaucoup le mot éparpillé. Bravo, Pierrot. Pierre Ménez qui a fait son retour bravo, dimanche dernier d'ailleurs au CFC. Il y a deux semaines. Et qui est plus en forme que jamais. Et quand même, on a beau dire, on aime ou on n'aime pas Pierre Ménez. Mais quand il est pas là, voilà. Mais même lui, il le dit, il y a des gens qui lui disent je vous aime pas, mais je suis quand même content de vous revoir. C'est bizarre, il y a des gens comme ça. Tiens, c'est qui qui dit Tremolinas monte là-bas. Siani. Alors attendez, je vais vous expliquer pourquoi il dit ça quand même. Je sais. Il a comparé l'aspect tactique de Christian Gourcuff avec celui de Laurent Blanc à son arrivée au Girondins de Bordeaux. L'ancien défenseur avait du mal au début avec cette discipline tactique, mais il explique que les Girondins compensaient avec une maîtrise permanente du jeu. Il dit voilà, donc il faut remettre les choses dans leur contexte, et en sortant d'une école lorientaise à la Gourcuff, parce qu'il était déjà à l'époque passé par Lorient, c'est d'ailleurs là qu'il s'est fait remarquer par les Girondins, c'est très strict tactiquement avec un 4-4-2 bien huilé, des ouvertures calculées. Quand je suis arrivé à Bordeaux, chez les champions de France, je joue mon premier match contre Nice, il y avait encore Loïc Rémy à Nice. Ça part dans tous les sens, il n'y a pas d'organisation. Tremolinas il monte là-bas, Chalmi monte là-bas, Planus qui prend au milieu, il dit oh là là. Non, on a gagné 4-0 au final parce qu'on avait une telle maîtrise du ballon. Dès qu'on la perdait, il y avait un pressing de fou et forcément, t'as un ascendant psychologique qui fait déjouer l'adversaire. Et donc, il explique la difficulté. La forte maîtrise. Voilà. Expliquer ça. Enfin, tu disais que Blanc était un blaireau tactiquement. Non, mais non, je pense plus qu'il faut l'interpréter c'est en disant qui que c'est une forte maîtrise. C'est qui qui dit? Ah bah là, non. Lisa Razou. Non, parce que je croyais que j'avais la décla, mais c'est une vidéo donc je l'ai pas. Bon, c'était Fred Antonetti sur Rio Mavuba. Ah ouais, comment il a désingué. Je l'ai pas. Mais en même temps, je trouve qu'il a raison, Antonetti, de dire sa vérité et de dire ce qu'il se pense. Et moi, j'avais eu des retours aussi quand Rio était à l'époque à Bordeaux, qui était pas forcément. Oui, super glorieux. C'était la même chose avant. Donc voilà. Même au Ferré, je te dis, il s'amuse bien au Ferré. Hein ? Même sur le bassin, oui, voilà, il s'amuse bien. Faut arrêter aussi à un moment de. Voilà. Antonetti, il a dit ce qu'il avait à dire. Parce que là, tout de suite, les Bordelais ont commencé. Ouais, voilà, Antonetti. Hein. Non, si c'est la vérité, bah si c'est vrai, c'est vrai. Dernier. Allez, c'est 6. Sérieux ? C'est pour la gagne, là ? Non, il y a beaucoup plus. Non, il doit y avoir 8, 7, 4. Il y a où ? Attends, il y a déjà 6, 9, 11. 11, 3. C'est 6. C'est qui dit ? Les Girondins de Bordeaux, je n'y vais plus depuis. Poutou ! Voilà. Ouais, d'accord. Et ouais, non, mais au bout d'un moment, tu sais, on peut déclarer forfait aussi. Est-ce que tu lis Poutou ? Est-ce que tu quoi ? Poutou ! Est-ce que tu lis Poutou ? Comprendra qui voudra. Tu sais, la sortie elle est par là. Voilà. Alors refais là parce que j'ai est-ce que promets, tu j'ai lis pas du tout. Non, mais tu connais pas. Mais c'est une référence. On a rien compris. Vous chercherez sur internet Lipoutou. Mais Lipoutou c'est un Pokémon. Oui. Je comprends. D'accord. Wow. C'est terrible. Je suis un prix. Aidez-moi. Non, mais c'est consternant, Adrien. Parle-nous, Adrien. Dis-nous ce qui ne va pas. C'est consternant. C'est consternant. Si Cyril était goût, tu vas avoir un arrêt cardiaque là. C'est consternant. Autant des fois t'en as des biens. Était bien. Alors ok. C'est juste que tu as pas. Non, parce que j'ai pas la référence. Tu veux moi la sortie de Pikachu et Bulle Bizarre et Dragofeu et l'autre tête de con avec ses plantes là. Bon. Ouais, Emery qui dit Seb est trop vieux pour comprendre. Mais, oui, Cyril Marc, bien, hein. Mais les gars, fais pas une crise cardiaque. Hein. Là, t'es allé trop loin. D'ailleurs, il y a Jamel qui m'appelle déjà. Tu m'aurais sorti un truc avec Bulle Bizarre et comment il s'appelle avec sa carapace. Bulle Bizarre. Carapuce. Ouais, là j'aurais compris. Mais moi, sorti des 3-4 de base des Pokémon. Mon gars, j'ai 34 ans dans 2 mois. Oui, mais c'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu me parles? Fais-moi une référence sur Olivier Tom ou des BZ ou les Chevaliers du Zodiac. J'avais vu, j'aurais peut-être compris, tu vois. Mais non, pas là. Une dernière sur Pokémon, non. Alerte au gogol, ouais. Bordelaise nous dit ça part loin. Ouais, là, ça part très loin. Mais t'es bonne, ma blague. Allez, 22h56, c'est parfait. On est un timing parfait. J'ai juste le temps de donner le résultat de la question que personne se pose. En fait, on a gagné le Segiki, c'est cool. Victoire de Adrien et Alex, évidemment. Résultat de la question que personne ne se pose. Ouais. Alors, les résultats définitifs et totaux de la question que personne se pose. Qu'a pensé Cheikh Diabaté en revenant jouer à Bordeaux? Bon, autant vous dire que y a pas photo. 7,9% pour le stade René Galice et pourquoi pas le stade Cheikh Diabaté. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. 14,3% que les joueurs bordelais avaient rétréci. C'est vrai que quand il est arrivé, il s'est confronté à Malcolm, Vada, Roland, Mounas. Enfin, ils font tous 1m60. 65 pour certains. Qu'il allait mettre un doublé, mais au Messin. Là, pour le coup, ça aurait été marrant. Eh ben, évidemment, le vainqueur, hein, ben, rien. Car Cheikh Diabaté ne pense jamais, il vit l'instant, il n'est qu'amour. Eh oui, check nos limites. On l'aime bien, quand même, Diabaté. Putain, à chaque fois, je dis, c'est quand même le mec, t'as du mal à en dire du mal. Messieurs, on va se quitter là-dessus. On se retrouve vendredi. Oui. Oui, juste avant de tout quitter, une petite info mercato. Ah. On a parlé de du cas Stéphane Ruffier dans la journée. Les médias ont parlé. Les médias ont parlé. Voilà, ils ont évoqué son nom au oui. Girondin de Bordeaux avec quelques discussions. Oui. Mais tout a été démenti par Diabaté 33. Voilà, vous pouvez aller voir bien, sur sa page. Ça, Girondin, ça veut dire que info. C'est signé. Bah non, parce que Diabaté 33, on sait comment il fonctionne. Il fonctionne en fonction de ce qu'on lui dit dans le club. Et où on peut lui dire aussi ce qu'on veut dans le club, tu vois ce que je veux dire? On peut lui dire, bah non, non, non, il n'y a rien. Alors qu'en fait, mais je comprendrais pas que tu fasses signer 8 millions Ruffier alors que tu peux avoir gratuit Costil. Pourquoi 8? Surtout que Costil est un équipe de France. 8 millions, c'est le prix de Ruffier sûrement. Why not? Après, ça dépendra pour... Et c'est le salaire de Carasso. Allez, les phrases de fin, il y a Bordelaise qui nous dit ma phrase de fin pour vous l'équipe, changez pas, ah bah pour nous quoi, vous êtes toujours au top, hola. Donc merci à toi Bordelaise, c'est gentil, et puis on salue tous nos amis du chat qui étaient présents ce soir, et puis on salue tous nos auditeurs qui soient sur le chat ou et pas, auditrices. Et auditrices évidemment, qu'ils soient derrière leur radio, leur transistor, leur poste à galène. Ou leur poste à galette. Un auditeur qui a 85 ans, il a peut-être encore un poste à galette. Écoute, il y a Pokémon et là il y a poste à galette. Poste à galette. Voilà. Allez, ta phrase de fin, mon votre petit Adrien. Ify. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Merci, Adrien. Alexis. Je même plus dire pour vous, ça dure la belle aventure. Louis. Alors, j'ai pas travaillé ma phrase de fin, donc vas-y Thomas. J'ai pas travaillé ma phrase de fin, on dirait un gars qui interrogeait en Don plein de séance. Una forever dans le cœur. Merci Thomas. Assou et couteau à Bordeaux. Merci Louis. Je sais pas. Et pour ma part, ça sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Allez, merci de nous avoir été fidèles comme d'habitude. On se retrouve lundi, 21h-23h, juste après, devant le match, 19h30-21h. On parlera du match de dimanche à 15h, Bordeaux-Nantes et de plein d'autres choses. Vous pourrez participer. Vous pouvez nous suivre, Adrien, sur le direct. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début d'émission. Direct GA. Toute la semaine sur les réseaux sociaux, la page Facebook, G33 pour les brèves, le site, les news, tout ça, alimenté par Thibault notamment. Et la signature de Cristiano Ronaldo. Et Rico Julien. Ouais. Et on se retrouve en direct vendredi. Allez, bonne semaine, fin bonne de soirée. Sa statue. Et allez, Bordeaux. Tous les lundis et vendredis de 21h à 23h, écoutez Girondin Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur